Écouter un écrivain, entendre son œuvre, des entretiens, des lectures. Un été d'écrivain, c'est tout l'été sur France Culture entre 20h et 21h. Des auteurs français, des auteurs étrangers. Jean-Philippe Toussaint. Annie Arnaud. Antonio Lobo Antunesch. André Brink. Jean d'Ormesson. Lydie Salbert. Et toute cette semaine, Geneviève Brissac s'entretient avec Annie Arnaud. À voix nue. Annie Arnaud s'entretient avec Geneviève Brissac. Troisième volet. Mon père a voulu tuer ma mère un dimanche de juin, au début de l'après-midi. J'étais allée à la messe de midi moins le quart comme d'habitude. J'avais dû rapporter des gâteaux du pâtissier installé dans la cité commerciale, un ensemble de bâtiments provisoires édifiés après la guerre, en attendant l'achèvement de la reconstruction. En rentrant, j'ai enlevé mes affaires du dimanche et enfilé une robe se lavant facilement. Une fois les clients partis, les volets ajustés sur la devanture de l'épicerie, nous avons mangé, sans doute la radio allumée, parce qu'à cette heure-là, c'était une émission humoristique, Le Tribunal, avec Yves Degnaud. Alors ce début, Annie Arnaud, c'est un de vos très beaux débuts. Les débuts, vous avez toujours des très beaux débuts de livres, je les adore, qui me font penser à l'étranger, c'est presque automatiquement. Ah oui, je crois que les débuts, c'est souvent, je le constate, parce que, mais ce n'est pas vraiment volontaire, c'est la mort ou le sexe. Oui, et le capes quand même. Oui, le capes, oui, c'est vrai. Il y a le capes, ouais, en prime, oui. Il y a eu le capes, qui amenait ensuite... Qui a un genre de rupture aussi. Oui, oui, qui a un genre de rupture. Mais plus généralement, on va dire, c'est le sexe ou la mort. Et je me disais, au fond, je crois qu'après, je peux tout écrire, parce que j'ai écrit ce qu'il y avait de plus... Voilà, j'ai passé le plus dur. Et c'est, au fond, c'est le grand mystère, c'est le grand secret. Et après, je peux y aller. Voilà. Oui. Après, c'est moins... Oui, mais pour écrire cette scène, donc, qui ouvre la honte, j'ai dû me faire violence, parce que c'est un souvenir que je n'ai réellement écrit donc qu'en 95. Donc bien des années après. Bien des années après, comme une sorte de tabou qu'il était possible de garder en soi, mais de ne pas écrire. Et le livre est donc cette non pas justement il y a le récit de cette scène, mais il s'arrête très vite parce que la mémoire ne m'a rien donné d'autre que cela. Avec en plus une autre la certitude, par contre, que c'est à ce moment-là que je suis entrée dans la honte, comme si on entre dans un continent, dans un pays, et que on n'en sortira plus. Alors, c'est vous avez 12 ans. Oui, pas tout à fait. Pas tout à fait 12 ans. Mmh. Et alors, ce qui est, c'est avant de revenir sur la situation, je voudrais juste peut-être vous proposer cette interprétation que donne. Edna O'Brien, qui est une écrivaine irlandaise que j'admire beaucoup, elle dit « Quand on écrit, on creuse, on tourne, en fait. On tourne et on creuse autour d'un secret initial qu'on n'atteint pas. Et d'ailleurs, il ne faut jamais l'atteindre, parce qu'on ne fait, chaque livre ne fait que creuser plus profondément pour essayer de le ramener au jour, ce que vous dites très souvent, ramener de la vérité enfouie au jour, la mettre à la lumière. Mais en fait, derrière ce secret, il y a un autre secret. Oui. Derrière ce tabou, il y a un autre tabou. Il y a encore autre chose derrière. Il y a encore autre chose. Je sais bien que ça n'est pas, je n'ai pas livré là le secret. Mais de vous l'écriture. L'avez pensé longtemps. Oui. Vous avez pensé que c'était quelque chose que vous ne deviez pas dire parce que c'était la pierre. Oui. Comment de touche de votre écriture aussi. Et c'est vrai que je l'ai vraiment cru. Vous avez eu vraiment peur. Oui, j'ai eu peur. Mais vous aimez bien avoir peur aussi. Peut-être. Oui. Et je l'ai fait aussi pour justement transgresser ça, dire je vais sortir ça, on verra bien. Et c'est vrai que après avoir écrit cette scène, j'étais étonnée. Qu'il se passe rien. Qu'il se passe rien. Que le ciel ne vous tombe pas sur la tête. Exactement. Vous savez, aussi comme ces livres de sorcellerie où on vous dit, si tu tournes la page, tu recevras une claque. Enfin, vous êtes le grand Albert ou le petit Albert. Et c'était la même chose. Et évidemment, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Oui, il s'est passé qu'il fallait, justement... c'était aussi la porte d'entrée pour remonter la honte, en quelque sorte, mais aussi l'expliquer, mais l'expliquer pas par des raisons psychologiques, mais l'expliquer par le monde où j'étais. Faire un peu comme un historien qui remonte autour d'un événement tout ce qui... Les archives, les archives, au fond. Les archives, traces. Les traces. Alors, j'irai aux archives réelles dans la ville de Rouen, en compulsant des journaux de Paris-Normandie de cette année-là. Mais c'est sûr que ce sera une plongée dans cette époque, mais je n'aurai pas le sentiment de saisir autre chose qu'une époque disparue. Et il y a eu... elle était très énervée, elle cherchait noise, littéralement, à mon père, pendant tout ce repas du dimanche. Et à ce moment-là, eh bien, il a craqué, on dirait. Il a craqué, mais c'était quelque chose que je n'avais jamais vu. C'est-à-dire mais ce n'était pas son genre, en plus. Non, oui. Pas du tout. Il s'est levé et il s'est mis à crier et il a saisi ma mère. Il a saisi ma mère par les épaules, enfin, et je me suis enfuie dans ma chambre et ma mère a crié. Ma mère a crié au secours. Il l'a entraînée dans la cave et il y avait une serpe. Donc, c'est une scène terrible. C'est une scène terrible parce que d'un seul coup, tout bascule dans la pensée. Dans cette espèce de... C'est le monde s'écroule, on va dire, tout simplement, je crois. Et c'était quelque chose qui coupe mon monde en deux. Et j'ai des sensations très fortes, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que j'entre dans le temps. C'est-à-dire qu'avant, je ne peux pas dater vraiment. Je n'ai pas de date. Mais là, c'est une date. C'est le 15 juin. Et après, tous les jours vont pouvoir presque être datés. Trois jours après, je passe l'examen d'entrée en sixième, bon, catholique, mais enfin, c'est l'entrée en sixième. Et il y aura ensuite la fête de la jeunesse, tel dimanche, etc. J'entre dans le temps et j'entre dans la honte parce que j'ai ce secret qui est un secret de honte, qui nous met au niveau des gens qui se battent, parce que des scènes comme celle-là, vous en avez entendu parler. Mais oui, souvent. J'en ai entendu parler, mais je ne croyais pas que nous puissions aussi appartenir à ces gens qui se battent quand ils sont ivres ou qui ne se contrôlent plus. Et cette chose-là, évidemment, c'est je suis devenue adulte aussi en même temps, pourrait dire. Oui, je pense. Oui. Oui. Oui, c'est-à-dire que je suis devenue celle qui va garder en quelque sorte ses parents, qui va surveiller ses parents que ça ne recommence pas. Oui, qui est plus confiante, en fait. Qui n'a plus aucune confiance et qui a cela et qui va être différente des autres. Qui va être différente des autres, mais des autres, surtout les autres de l'école privée. Donc l'école privée. Où on apprend une série de règles, une série de codes, où on se comporte de telle oui. et telle manière. Je n'avais jamais... mes livres sont des explorations. Oui. Et je n'avais jamais plongé dans ce que pouvait représenter une éducation catholique et les traces qu'elle a sans doute laissées en moi, même si je n'en parle pas, mais ce monde de l'excellence. Ce monde de l'excellence. Alors, non seulement nous sommes dans l'excellence, enfin, moi, je suis dans l'excellence scolaire. Sans énormément de difficultés. Sans difficultés, plus, donc ça me donne une grande liberté. Oui. Oui, ce qui n'arrange rien. Et de l'autre, il y a bien sûr cette éducation religieuse qui est folle à l'époque. Il y a aussi, d'ailleurs, le rôle de la confession. Le rôle de contrôle de la confession. Oui, alors qui rejoint tout à fait ce que dit Michel Foucault sur le désir de savoir. Il faut savoir, bien sûr, savoir, surtout au point de vue sexuel, ce qui se... Oui, essentiellement. Essentiellement, oui. Le reste, pas beaucoup d'intérêt. Le reste n'intéresse pas beaucoup, mais livrer ces secrets du corps, ce secret que tout apparaisse au grand jour. Et alors, évidemment, c'est donner le sens du péché du péché mortel, etc. Et la scène de la confession apparaît dans les armoires vides, hein, comme oui. quelque chose d'extrêmement fort, parce que j'ai relié cela à mon appartenance sociale. Oui. Parce que, en réalité, toutes les conversations déshonnêtes, comme ça s'appelait à l'époque, toutes ces conversations-là, elles étaient tenues avec mes cousines, donc toujours dans C'est un monde sauvage, en fait. C'est un monde non sauvage. Contrôlé. Qui prouve un grand plaisir, bien sûr. Moi, j'ai eu une éducation sexuelle très précoce, au moins en discours, en connaissance, tout à fait joyeuse. Ça fait joyeuse, avec très peu de sens du péché. Et voilà que je sais de chape qui tombe et qui détruit tout à fait ce cette bonheur. Innocence, en fait. Innocence, oui. Enfin, innocence. Forme... Oui, facile, c'est quand même oui, une liberté. En liberté. Cas. Liberté, oui. Là, on en fait le péché principal, bien sûr. Le seul péché mortel, en fait, c'est celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Non. Non. Donc, dans la honte, il y a cette scène à partir de laquelle on va remonter, vous allez remonter. Enfin, je, en l'occurrence. Oui, là, je ne suis plus du tout dans la fiction. Hein, oui. Depuis La Place. Oui, on peut peut-être revenir là-dessus, d'ailleurs. Oui, c'est parce qu'on on n'a pas évoqué, on peut tout à fait le faire maintenant, ce passage de... Enfin, vous dites que vous n'êtes plus du tout dans la fiction, à vrai dire... La fiction au sens... Au sens romain, enfin, traditionnel. Traditionnel, où on dit, on imagine, on crée des personnages, même avec des choses réelles, mais on se donne le droit de tout arranger. Non, je suis vraiment dans ce que je nommerais la véridicité, c'est-à-dire que, évidemment, sauf erreur de mémoire, ce que j'affirme a eu lieu ainsi. Mmh. Voilà, a eu lieu ainsi, cette scène a eu lieu, etc. Voilà. Les sentiments, en revanche. Alors, les sentiments, il faut les rechercher. C'est ça, les choses. C'est rechercher les sensations et les sentiments. Et je dirais que c'est une grande part de mon travail d'écriture. Que cette recherche, et qui fasse... c'est très difficile d'expliquer comment on fait revenir au jour des sensations qui vont elles-mêmes provoquer des mots. Et quelquefois, c'est le contraire. Ce sont des mots qui vont provoquer des sensations, des images, donc une espèce de cycle. Mais c'est ça, parce que je suis à peu près certaine des sensations. Je dis même dans la honte que la sensation de honte, c'est la dernière vérité. Oui, c'est-à-dire que je suis sûre. C'est mon critère. Oui, c'est sûr que c'est vrai. C'est ça, en tout cas, on peut s'accrocher. Voilà, cette sensation, le souvenir de cette sensation, c'est vrai. C'est donc, ça. Ce qu'on a dit était vrai. Donc, ce que j'ai dit était vrai. Si vous voulez, c'est le critère, c'est la sensation. Et là, on pourrait dire que je suis un petit peu proustienne, tout de même. Oui, c'est ce que je pense, voilà. C'était bien le sens de ma provocation initiale. Oui, et même oui. Tout à fait. Oui, mais la sensation est effectivement la dernière vérité, c'est-à-dire la preuve, quoi, la preuve. Et vous dites que vous êtes passée donc d'un registre de fiction romanesque traditionnel, mais qui, à vrai dire, est un petit peu un emballage. Parce que, c'était un emballage, oui, bien sûr. C'est tombé assez facilement. C'est tombé assez vite, puisque il y a un seul roman, vraiment roman, dans ce que j'ai écrit, c'est Ce qu'ils disent ou rien. Parce que beaucoup de choses se sont absolument transformées de mes expériences réelles. Pourquoi c'était comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que j'étais victime, bien entendu, de cette idée que... Ah, maintenant, on se doutait bien que les armoires vides étaient autobiographiques. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous savez, ces fameuses phrases qui tuent. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous avez écrit vos souvenirs et alors? Voilà. Oui. Et maintenant, est-ce que vous n'allez pas, je l'entends encore, est-ce que vous n'allez pas passer au roman? Voilà. Comme si tout ce que je faisais était inférieur au roman, comme si il n'y avait que le roman qui soit de la littérature, comme s'il n'y avait pas de salut, en quelque sorte, en dehors du roman. Et évidemment, là, on est plein dans l'idée reçue, parce que c'est le type exploration, on va dire, pour aller vite, autobiographique, mais bon, c'est quelque chose qui existe depuis Rousseau et qui se qui se même perpétue. Depuis Saint-Augustin, d'ailleurs. On va dire, oui, Saint-Augustin. Bon, il y a eu des périodes de moindre production dans ce domaine, mais avec des textes et des recherches. Bon, Breton, que je sache, n'a jamais écrit d'entre Breton de roman. Regardez ce qu'a fait Michel Léris. Il n'y a pas de roman là-dedans. Enfin, bon, peut-être un de ses romans sur Alice Aurora. Oui, enfin, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Bon. C'est une autre forme d'écriture où le travail est peut-être plus important même que dans le roman. Pour moi, à vrai dire, ce qui importe du point de vue, c'est la question du risque. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, enfin, ce qui importe, dans l'évolution de vos livres, le passage des armoires vides, disons, à la place, c'est, vous disiez une transgression, c'est un passage de risque. C'est-à-dire, et maintenant, oui. Je dis je parce que aussi, il fallait que la place, ça ne pouvait pas être un roman sur mon père. Ça ne pouvait être qu'un texte tout à fait fondé sur la réalité d'une existence. Pour le sauver. Pour la force. Pour lui rendre quelque chose, en fait. Pour rendre à lui et à toute une classe sociale. Ça ne pouvait pas être de la fiction, c'est-à-dire une transposition, ce que j'appelle une transposition. Il fallait affronter ce destin. Et moi, en tant que narratrice, il fallait que je dise « je suis née dans ce monde ». Et j'écris sur ce monde, et j'écris de cette façon, et j'ai telle difficulté pour écrire, etc. Même une forme de pédagogie, de méthodologie, si vous voulez, de l'écriture, quand on appartient... par son origine au monde dominé, mais par sa culture au monde dominant. Ce qui est frappant quand on vous lit Annie Ernaux, c'est que c'est vrai et qu'une autre chose est vraie aussi. Puisque très souvent, vous dites, j'ai déjà écrit là-dessus, je l'ai déjà fixé. Par exemple, dans Une femme, vous dites à un moment donné, mais pour cet aspect-là de la vie de mon père, je n'y reviens pas parce que je l'ai déjà écrit dans la place et que donc c'est fait. Et pourtant, quoi que vous en ayez, des émotions repassent, des émotions de vous aujourd'hui, des images reviennent pas exactement. Et donc, et c'est ce que j'aime tant dans toute votre œuvre, c'est-à-dire qu'en fait, une sorte de kaléidoscope se remet en place comme on le fait tourner dans des petits jouets. Oui. Les pièces se redisposent, se remettent en place autrement. Et on a une autre approche du jardin de légumes, du père qui se balade, du journal, de la cour, de la petite fille, de sa mère, du café. Un autre... Comme quand on raconte des histoires de sa vie, on se rend compte qu'on les raconte de manière différente parce qu'il y en a autant que d'interlocuteurs ou autant que de jours dans lesquels on les raconte. On pourrait dire que les éléments, en revanche, restent, eux... Stables. C'est référent. Le référent. Oui. Le référent reste stable, ce qui est, je crois, un critère de vérité. De véridicité. C'est vrai. Oui. Mais bien sûr, la façon de l'écrire, on peut dire qu'il y a d'ailleurs des choses qui reparaissent d'un livre ou l'autre, des scènes, des détails, bien sûr, qui créent une sorte de... Un effet de profondeur aussi, un effet de perspective. Oui. Et vous savez, c'est Jean Rhys, qui est une écrivain anglaise que je sais vous aimez beaucoup, dit à un moment donné, la justesse, elle est atteinte en enlevant deux lignes, en déplaçant un mot. Et souvent, c'est cela. C'est dans la honte dont nous sommes en train de parler. Et il va de soi que ces scènes que vous juxtaposez, c'est un dispositif pour atteindre à une vérité. À une vérité. Mais qui s'explore progressivement, puisque vous ne saviez sans doute pas en le commençant exactement où il allait vous mener. Non, ce livre-là, je ne savais particulièrement pas. Particulièrement pas. Oui. D'autres livres aussi sont dans ce cas. Mais celui-là, il a été. D'ailleurs, il est resté en souffrance assez longtemps. C'est vrai ? Ah oui, oui, oui. Il est resté. Il est resté plusieurs mois comme ça, arrêté. Arrêter justement à cette phrase, c'est cette année-là, je suis entrée dans la honte, ou quelque chose comme ça. Je me souviens. Et là, vous pensez que c'était fini, en fait. C'était arrêté là. Vous savez, je travaille beaucoup comme ça, c'est-à-dire je commence des textes, et très souvent, je commence un texte, il y a 2-3 pages, et je m'arrête. Aussi longtemps qu'il le faut. Et je m'arrête, et je ne peux pas continuer. Et très souvent, je ne sais pas d'où vient le blocage, mais je reprendrai ensuite. Parce qu'en fait, il est quelque part. Il est quelque part, mais je ne le connais pas. Je ne le connais pas. Je ne veux pas du tout ici parler de mes difficultés, de cette façon d'écrire, parce que c'est, je crois que c'est finalement assez banal, mais pour moi, c'est un chantier, au fond. Mon écriture est un chantier permanent. Alors, vous savez, c'est, je crois, bien Marcel Proust qui disait « Un écrivain, c'est quelqu'un qui a du mal à écrire ». Je ne me rappelais pas cette phrase, mais c'est très bien, ça me rassure. Mais parce que c'est cette question que vous disiez d'être dans le bon chemin. Si on pense, ce qui est une forme de certitude mystique que j'ai, que les livres sont écrits quelque part et qu'il faut les amener à la vérité, à la lumière. Comme, oui. C'est très mystique. C'est très mystique, oui. Mais en tout cas, ça peut aider à les écrire. Voilà, ça je crois que c'est ça. Oui, bien sûr qu'il faut avoir des croyances qui concernent ce qu'on fait en tant que... En tout cas, qu'il y a un chemin juste pour être moins moqueuse. Enfin, même, je dirais peut-être que vous cherchez le chemin. Oui, mais je ne prends pas croyance de façon péjorative du tout. Je crois que les croyances dans tous les domaines font agir. La croyance sur l'amour. Bon, la croyance dans les horoscopes dont vous parlez oui, souvent. Ouais, par contre, je n'y crois pas trop. Vous voyez, mais ça peut aider. Voilà. Voilà. Mais là, ce sont des croyances certainement plus profondes. C'est-à-dire, j'ai vraiment la croyance que ce que je peux faire de mieux sur Terre, sur mon passage sur la Terre, c'est l'écriture. Ben, ça m'aide, bien c'est sûr. Oui. Ça peut être aussi un drame, parce que quand je n'écris pas, ben, je ne suis plus rien. Mais je crois, voilà, c'est un type de croyance comme ça. Je pense que ce que vous venez de dire est très important, parce que vous dites, quand je n'écris pas, je ne suis plus rien. Et vous expliquez, je crois, dans La vie extérieure, je ne sais plus dans quel livre c'est, malheureusement, qu'une grande part d'écriture vient aussi... Enfin, qu'il y a une dialectique, en tout cas, entre écrire, observer les autres, observer ce qu'il y a à voir, observer ce qui se passe, et qu'il y a une dialectique entre ça et le fait de ne plus se sentir exister. Ou au contraire, de se dire « je suis quelqu'un de n'importe qui parmi tous ces gens, et oui. Au milieu de ces gens, je suis moi ». C'est-à-dire qu'il y a ce double mouvement-là. Oui, c'est vrai que j'aime aussi me perdre dans l'anonymat, dans la foule, dans les perceptions pures, en fait. Oui, oui. Vraiment beaucoup. Et puis, il y a des moments où c'est pas suffisant. C'est pas suffisant et l'écriture me manque terriblement. Ou plutôt, s'il n'est pas cela, c'est j'ai le sentiment d'être inutile. Et là, on pourrait peut-être encore... Parler de votre mère. Voilà. C'est-à-dire, j'ai tellement été bercée là dans l'idée. Elle me le disait même, il ne faut pas que tu deviennes une inutile. C'était devenu chez elle un nom commun, pas un adjectif, une inutile. Et elle ne pensait qu'à être utile elle-même. Jusqu'à la fin, elle voulait être utile. Vous partagez ce point de vue ? Oui. Je trouve que c'est très... Oui, bien sûr. C'est tout à fait légitime de se demander à quoi on sert. Oui, je crois. Alors, il est vrai qu'avec les livres, la chose est moins donnée qu'avec le pain, mais... En même temps, vous avez quand même beaucoup d'échos de lectrices ou de lecteurs et vous savez bien que c'est loin d'être inutile. Oui, mais c'est même, je crois, la plus grande satisfaction, la plus grande gratification, que je leur sois utile quelque part. Oui, que les gens de la gratitude. Oui, une gratitude comme une rencontre qu'ils ont faite à travers mes livres, une rencontre de choses qui leur appartiennent aussi, ou qu'ils découvrent. Ou que vous vengez aussi parfois. Aussi. Parce que pour revenir important. À la honte, oui, je crois. Vous dites en exergue à un de vos livres que quand on a trahi, tout ce qui reste, c'est d'écrire, ce qui est une phrase de Jean Genet, si je me souviens bien. Le seul recours. L'écriture. Écrire est le seul recours quand on a trahi. Est-ce que c'est vrai ? Il y a d'autres recours. Est-ce que c'est même, non mais pour moi, c'est oui, plutôt peut-être. Oui, d'une part, je pense, oui. Mais c'est surtout est-ce que cette dimension de la trahison qui vous a beaucoup, qui a été un instrument intellectuel, je pense précieux pour penser un certain nombre de transgressions, de cassures, de déracinements, est-ce qu'aujourd'hui vous parleriez encore de trahison comme vous parliez de la honte justement ? Ou alors est-ce que c'était le sentiment de honte qui était la trahison ? Honte d'avoir honte, oui. Oui. Ça tournerait un peu autour de ça. Oui, certainement. Mais la trahison, je m'en suis rendu compte aussi. On a dit tout au début que j'avais fait toute ma carrière dans l'enseignement. Hein. C'est plutôt de la transmission que de la trahison. Oui, c'est la transmission. Mais justement, mes souvenirs de prof au départ, c'est tout de même ce sentiment de... qu'est-ce que je leur transmets, justement. Et moi, je suis une miraculée, finalement, et je vois bien que une grande part de mon enseignement, dans ses méthodes et dans son contenu, qui est excluant, qui exclut. Et ça, je l'ai ressenti très fortement, parce que je n'ai pas été professeure dans des bonnes classes au départ. J'étais professeure dans une classe de technique PEP, secrétariat et aide comptable, et une classe de sixième, très nombreuse à l'époque. Donc j'ai eu le sentiment, brusquement, je me suis retrouvée à mon enseignement n'est pas adapté, comme la phrase très, très classique, mais pas adapté à quoi? Mais on aurait pu dire pas adapté tout simplement socialement. Et ça a beaucoup compté, en fait, dans ma prise de conscience avant d'écrire les armoires vides. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'était pas le bon moyen de... Oui, donc ce sentiment de trahison, je l'ai ressenti assez vite. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous ne pensez pas que... D'où le CAPES, au début de la place. Hein. Oui, c'est ça, comme élément de... du départ, finalement. Départ, oui. Mais est-ce que vous ne croyez pas qu'avec ces livres, justement, vous avez reconstruit le pont? Oui, je crois. Vous le pensez aussi? Ah oui, je le pense, oui. Oui. C'était À voix nue. Annie Ernaux s'entretenait avec Geneviève Prisac. Réalisation Bruno Sourcy. France Culture, un été d'écrivain. Deuxième partie, le temps de la lecture avec Annie Ernaux. Dans son livre Les années, paru en 2008, Annie Ernaux évoque souvenirs personnels et histoire collective des années 1940 à aujourd'hui. Grâce au récit d'événements, à la description d'objets, de photos, l'auteur nous parle de sa vie, mais aussi de l'évolution de la société, du temps qui passe. Elle aime qualifier son livre d'autobiographie impersonnelle. Nous proposons en nouvelle diffusion 5 des 10 épisodes qui composaient ce feuilleton, réalisé par Étienne Vallès. j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, il me semble encore les voir arriver. Les années ils sont de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lemp. Avec Ludmila Michael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Troisième émission. Ils ont demandé d'une voix tranquille un toit pour s'aimer au cœur de la ville. Et je me rappelle qu'ils ont regardé d'un air attendri la chambre d'hôtel au papier jauni. Et quand j'ai fermé la porte sur eux, il y avait tant de soleil au fond de leurs yeux que ça m'a fait mal, que ça m'a fait mal. Moi j'essuie les verres au fond du café. J'ai bien trop à faire pour pouvoir rêver. Et dans ce décor banal à pleurer, c'est corps contre corps qu'on les a trouvés. Sur une photo en noir et blanc, deux filles dans une allée, épaule contre épaule, toutes les deux les bras derrière le dos. En fond, des arbustes et un haut mur de briques. Au-dessus, le ciel avec de grands nuages blancs. Au dos de la photo, juillet 1955, dans les jardins du pensionnat Saint-Michel. À gauche, la plus grande des filles, blonde, avec des cheveux courts, en coup de vent. Une robe claire et des soquettes, son visage est dans l'ombre. À droite, une brune, aux cheveux frisés, courts, des lunettes sur un visage plein, au front haut, traversé par la lumière, un pull foncé à manches courtes, une jupe à pois. Toutes les deux portent des ballerines, la brune est pieds nus dedans. Elles ont dû enlever leur blouse de classe pour la photo. Même si on ne reconnaît pas dans la brune la petite fille à nattes de la plage, qui pourrait aussi bien être devenue la blonde, c'est elle, et non la blonde, qui a été cette conscience, prise dans ce corps-là, avec une mémoire unique, permettant donc d'assurer que les cheveux frisés de cette fille provenaient d'une permanente, rituel en mai depuis la communion solennelle, que sa jupe avait été taillée dans une robe de l'été d'avant, devenue trop étroite, et le pull tricoté par une voisine. Et c'est avec les perceptions et les sensations reçues par l'adolescente brune à lunettes de 14 ans et demi que l'écriture ici peut retrouver quelque chose qui glissait dans les années 50. Capter le reflet projeté sur l'écran de la mémoire individuelle par l'histoire collective. En dehors des ballerines, il n'y a rien dans l'apparence de cette adolescente qui ressortisse à ce qui se fait alors et qu'on voit dans les journaux de mode et les magasins des grandes villes. Longue jupe écossaise à mi-mollet, pull noir et gros médaillon, queue de cheval avec franges à la façon d'Audrey Hepburn dans Vacances romaines. La photo pourrait dater de la fin des années 40 ou du début des années 60. Aux yeux de tous ceux qui sont nés après elle, elle est simplement ancienne. Appartient à la préhistoire de soi où s'aplanissent toutes les vies qui ont précédé. Pourtant, cette lumière qui éclaire d'un côté le visage de cette fille et son pull entre les seins qui pointent, a été sensation de chaleur d'un soleil de juin, d'une année, qui pour les historiens comme pour les vivants d'alors, ne peut se confondre avec aucune autre. 1955. Toi qui disais que tu l'aimais. Dans les rues, sur les pavés mouillés, tu l'aimes, traîne des lueurs, qui disait, sans joie, tu l'aimes. la pluie. Tu l'aimais, tu l'aimais. Et pense toi, encore. Qui disait, qui disait. À toi. Tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimais. Toi qui disais, qui disais, qui disais que tu l'aimais. Tu l'aimais, tu l'aimais, tu l'aimais plus que la vie. Qu'as-tu fait de ton amour pour qu'il pleure sous la pluie? Te souviens-tu, souviens-tu le jour où tu l'as connu? L'a connu, l'a connu, ça t'a coûté de l'argent, mais ça t'a fait du bon temps, c'était un fameux samedi. Et l'ampion de la baraque aux frites, où tout va vite, au son de l'accordéon tournait en rond. Elle admirait, admirait la. Elle n'est jamais allée encore à Paris, à 140 km. Ni à aucune surpatte. Elle n'a pas de tourne-disque. En faisant ses devoirs, elle écoute les chansons du poste dont elle écrit les paroles dans un carnet et qu'elle porte dans la tête des journées entières, en marchant, en suivant les cours. Toi qui disais que tu l'aimais, qu'as-tu fait de ton amour pour qu'il pleure sous la pluie? Elle ne parle pas aux garçons. Elle y pense tout le temps. Elle voudrait avoir le droit de mettre du rouge à lèvres, porter des bas et des talons hauts. Les sockets lui font honte, elle les enlève hors de la maison. Afin de montrer qu'elle appartient à la catégorie des jeunes filles et qu'elle peut être suivie dans la rue. À cette fin, le dimanche matin après la messe, elle traîne en ville en compagnie de deux ou trois copines du même milieu simple qu'elle, veillant toujours à ne pas transgresser la rigoureuse loi maternelle de l'heure. Quand je dis telle heure, c'est telle heure, pas une minute de plus. Elle compense l'interdiction générale de sortir par la lecture des feuilletons dans les journaux, Les gens de Mogador, Afin que nul ne meure, Ma cousine Rachel, La citadelle. Constamment, elle s'y réalise dans des histoires et des rencontres imaginaires qui finissent en orgasme le soir sous les draps. Elle se rêve en putain et elle admire aussi la blonde de la photo, d'autres filles de la classe au-dessus, qui la renvoient à son corps empoissé. Elle voudrait être elle. Au cinéma, elle a vu la Strada, le défroqué, les orgueilleux, la Mousson, la Belle de Cadix. Le nombre de films qui lui sont interdits, dont elle a envie, Les enfants de l'amour, Le blé en herbe, Les compagnes de la nuit, etc., est plus grand que l'autorisé. Qu'y a-t-il en elle comme savoir sur le monde, en dehors des connaissances accumulées jusque dans cette classe de quatrième? Quelle trace des événements et faits divers qui font dire plus tard « je me souviens » quand une phrase entendue par hasard les évoque? La grande grève des trains de l'été 53, la chute de Dien Bien Phu, la mort de Staline, annoncée à la radio un matin froid de février, juste avant de partir pour l'école. Les élèves des petites classes en rang vers la cantine pour boire le verre de lait de Mendès France. La couverture faite de morceaux tricotés par toutes les élèves et envoyée à l'abbé Pierre, dont la barbe est prétexte à des histoires cochonnes. La vaccination monstre de toute la ville à la mairie contre la variole, parce que plusieurs personnes en sont mortes à Vannes. Les inondations en Hollande. Sans doute pas dans sa pensée les derniers morts dans une embuscade en Algérie. Nouvel épisode des troubles dont elle saura seulement plus tard qu'ils se sont déclenchés à la Toussaint 54. Et elle se reverra ce jour-là, dans sa chambre, assise près de la fenêtre, les pieds sur son lit, regardant les invités d'une maison en face sortir les uns après les autres dans le jardin, pour uriner derrière le mur aveugle. Si bien qu'elle n'oubliera jamais ni la date de l'insurrection algérienne, ni cet après-midi de Toussaint pour lequel elle disposera d'une image nette, une sorte de fait pur, une jeune femme s'accouvant dans l'herbe et se relevant en rabattant sa jupe. Dans la même mémoire illégitime, celle des choses qu'il est impensable, honteux ou fou de formuler, il y a une tache brune sur un drap de sa grand-mère morte depuis 3 ans, dont sa mère a hérité, une tache indélébile, qui l'attire et lui répugne violemment, comme vivante. La scène entre ses parents, le dimanche avant l'examen d'entrée en sixième, au cours de laquelle son père a voulu supprimer sa mère en l'entraînant dans la cave près du billot où la serpe était fichée. Le souvenir qui lui vient tous les jours quand, dans la rue vers l'école, elle passe devant le talus où elle a vu, un dimanche de janvier d'il y a 2 ans, une petite fille en manteau court s'amusant à enfoncer un pied dans l'argile gorgée d'eau. L'empreinte du pied était là le lendemain. Elle est restée pendant des mois. Les grandes vacances seront une longue étendue d'ennuis, d'activités minuscules pour remplir les journées. Écouter l'arrivée de l'étape du Tour de France, coller la photo du vainqueur dans un cahier spécial, relever les numéros de département sur les plaques minéralogiques des voitures croisées dans la rue, lire dans le journal régional les résumés des films qu'elle ne verra pas, des livres qu'elle ne lira pas, broder un porte-serviette, extraire des points noirs et se passer de l'eau précieuse ou des rondelles de citron, monter en ville, acheter du shampoing et un petit classique Larousse, en passant les yeux baissés devant le café où les garçons jouent au flipper. L'avenir est trop immense pour qu'elle l'imagine. Il arrivera. C'est tout. Quand elle entend les petites filles des classes enfantines chanter dans la cour de récréation « Cueillons la rose sans la laisser flétrir », il lui semble qu'elle a été enfant il y a très longtemps. I'm in love with you. Say you love me too. Darling, why don't you confess? It's so plain to see you were meant for me. Your love brings happiness. Say you're mine alone. Step down from your throne. My life is yours to command. I need you all the time. Won't you say you're mine and love me like I'm loving you? I can't sleep thinking about you and the things we used to do. À la moitié des années 50, dans les repas de famille, les adolescents restaient à table, écoutant les propos sans s'y mêler, souriant poliment aux plaisanteries qui ne les faisaient pas rire, aux remarques approbatrices dont ils étaient l'objet sur leur développement physique, aux grivoiseries voilées destinées à les faire rougir, se contentant de répondre aux questions émises précautionneusement sur leurs études, ne se sentant pas encore prêt à entrer de plein droit dans la conversation générale, même si le vin, les liqueurs et les cigarettes blondes autorisées au dessert marquaient le début de leur intronisation dans le cercle des adultes. Après les commentaires sur les plats en train d'être dégustés, qui appelaient les souvenirs des mêmes mangés en d'autres circonstances, les conseils sur la meilleure façon de les préparer, les convives discutaient de la réalité des soucoupes volantes, du Spoutnik et de qui, des Américains ou des Russes, iraient les premiers sur la Lune, des cités d'urgence de l'abbé Pierre, de la vie chère. La guerre finissait par revenir sur le tapis. Il rappelait l'exode, les bombardements, les restrictions de l'après-guerre, les azous, les pantalons de golf. C'était le roman de notre naissance et de notre petite enfance qu'on écoutait dans une nostalgie indéfinissable, la même qu'on ressentait en récitant avec ferveur « Rappelle-toi Barbara », recopié dans un cahier personnel de poèmes. Mais dans le ton des voix, il y avait de l'éloignement. Quelque chose s'en était allé avec des grands-parents décédés qui avaient connu les deux guerres, les enfants qui poussent, la reconstruction achevée des villes, le progrès et les meubles à tempérament. Les souvenirs des privations de l'occupation et des enfances paysannes se rejoignaient dans un passé révolu. Les gens avaient tellement la conviction de vivre mieux. Il n'était déjà plus question de l'Indochine, si lointaine, si exotique. Deux sacs de riz suspendus de part et d'autre d'une tige de bambou, selon le manuel de géographie. Et perdu, sans excès de regret à Dien Bien Phu, où n'avaient combattu que des têtes brûlées, des engagés volontaires qui n'avaient pas de métier dans les mains. C'était un conflit qui n'avait jamais été dans le présent des gens. Ils n'avaient pas non plus envie d'assombrir l'atmosphère avec les troubles en Algérie, dont personne au juste ne savait comment ils avaient commencé. Mais ils étaient tous d'accord, et nous aussi qui l'avions au programme du BEPC, l'Algérie avec ses trois départements était la France, comme une grande partie de l'Afrique où nos possessions couvraient sur l'Atlas la moitié du continent. Il fallait bien que la rébellion soit matée, nettoyer les nids de Fellaga, ces égorgeurs rapides dont on voyait l'ombre traîtresse sur la figure basanée du pourtant gentil « Sidi, mon ami » colportant des descentes de lit sur son dos. Personne ne parlait des camps de concentration, sinon incidemment à propos de tel ou tel ayant perdu ses parents à Buchenwald. Un silence contristé suivait. C'était devenu un malheur privé. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3 and 4, dessert, les chansons patriotiques d'après la libération avaient disparu. Les parents entonnaient « Parlez-moi d'amour », de vieux jeunes gens au Mexico et les enfants « Ma grand-mère était cow-boy ». Nous, on aurait eu trop honte de chanter comme avant « Étoile des neiges ». On répugnait farouchement à dévoiler des goûts musicaux qu'ils ne pouvaient comprendre, eux qui ne connaissaient pas un mot d'anglais en dehors de « Fuck you » après la libération. Ignoraient l'existence des Platters et de Bill Haley. Mais le lendemain, dans le silence de la salle d'études, au sentiment de vide qui nous envahissait, on savait que la veille avait été, même si on s'en défendait, qu'on avait cru rester extérieur et s'ennuyer, un jour de fête. Pris dans le temps infiniment lent des études, le petit nombre de jeunes qui avaient la chance de les continuer trouvait, dans la sonnerie régulière des heures de cours, le retour des compositions trimestrielles, les explications interminables de Cinna et d'Iphigénie, la traduction du Promilonné, qu'il n'arrivait jamais rien. On notait des phrases d'écrivains sur la vie, découvrant le bonheur de se penser dans des formules étincelantes. Exister, c'est se boire sans soif. Le sentiment de l'absurde et la nausée nous envahissaient. Le corps poisseux de l'adolescence rencontrait l'être en trop de l'existentialisme. On collait sur les feuilles d'un classeur les photos de Brigitte Bardot dans « Et Dieu créa la femme », gravait dans le bois du pupitre les initiales de James Dean. On recopiait des poèmes de Prévert, les chansons de Brassens, « Je suis un voyou » et « La première fille », interdite à la radio. On lisait en cachette « Bonjour tristesse » et les trois essais sur la théorie de la sexualité. Le champ des désirs et des interdictions devenait immense. La possibilité d'un monde sans péché s'entrouvrait. Les adultes nous suspectaient d'être démoralisés par les écrivains modernes et de ne plus rien respecter. Dans l'immédiat, le désir le plus déterminé était de posséder un électrophone et au moins quelques micro-sillons, des objets chers dont on pouvait jouir seul, sans fin, jusqu'à l'écœurement ou avec d'autres, qui classaient dans la partie la plus évoluée de la jeunesse la lycéenne aisée, qui portait des duffelcoats, appelait ses parents « mes vieux » et disait « ciao » pour « au revoir ». On était avide de jazz et de negro spirituals, de rock'n'roll. Tout ce qui se chantait en anglais était nimbé d'une mystérieuse beauté. Dream, love, heart, des mots purs, sans usage pratique, qui donnaient le sentiment d'un au-delà. Dans le secret de la chambre, on se faisait une orgie du même disque. C'était comme une drogue qui emportait la tête, éclatait le corps, ouvrait devant soi un autre monde de violence et d'amour, se confondant avec la surboom où il tardait tant d'avoir le droit d'aller. Elvis Presley, Bill Haley, Armstrong, les Platters incarnaient la modernité, l'avenir, et c'était pour nous les jeunes, et nous seuls, qu'ils chantaient, laissant derrière les vieux goûts des parents et l'ignorance des péquenauds, le pays du sourire, André Claveau et Lynn Renault. On se sentait appartenir à un cercle d'initiés. Cependant, les amants d'un jour donnaient la chair de poule. On se retrouvait encore dans le silence des vacances, les bruits séparés, distincts de la province, les pas d'une femme allant aux commissions, le glissement d'une voiture, le martèlement d'un atelier de soudure. Les heures s'usaient en bus infimes, activités étirées, classer les devoirs de l'année, ranger un placard, lire un roman en s'efforçant de ne pas le finir trop vite. On se regardait devant la glace, on s'impatientait d'avoir les cheveux assez longs pour les tirer en queue de cheval. On guettait l'improbable venue d'une copine. Au souper, il fallait nous arracher les mots de la bouche. On laissait de la nourriture, s'attirant le reproche. « Si tu avais eu faim pendant la guerre, tu serais moins difficile. » Au désir qui nous agitait était opposée la sagesse des limites. « Tu demandes trop à la vie. » À force de tourner et de se croiser en bandes séparées le dimanche après la messe ou le cinéma, d'échanger des regards, filles et garçons s'abordaient. Eux imitaient leurs profs, faisaient des jeux de mots et des contrepétries, se traitaient de puceaux, se coupaient la parole. « Raconte pas ta vie, elle est pleine de trous. Tu connais le refrain du presse-purée ? Écrase et continue. »« T'as le gâche chez toi, va te faire cuire un œuf. » Ils s'amusaient à parler bas pour que l'on ne comprenne pas et s'écriaient « La masturbation rend sourd !» Ils feignaient de se boucher les yeux devant l'exhibition d'une gencive enflée et s'écriaient « On a vu assez d'horreur pendant la guerre !» Ils s'octroyaient le droit de tout dire. Ils étaient les détenteurs de la parole et de l'humour. Ils se débondaient en histoire sale. Les filles souriaient avec réserve. Même si elles ne le trouvaient pas forcément drôle, c'était un spectacle que leur offraient les garçons en virevoltant autour d'elles. Elles en concevaient de la fierté. C'est grâce à eux qu'elles enrichissaient leur stock de mots et d'expressions qui les feraient paraître évoluer aux yeux des autres filles quand elles diraient « aller au pieu », « un falzard », etc. Mais on se demandait avec angoisse, les uns et les autres, ce qu'on pourrait bien se dire en tête à tête. Et il fallait toute la sollicitude curieuse du groupe pour nous soutenir avant de se rendre au premier encart. Well, it's Saturday night and I just got paid. I fool about my money, don't try to save. My heart says go, go, have a time. Well, it's Saturday night, babe, and I'm feeling fine. I wanna rock it out. I wanna rip it out. I wanna shake it out. I wanna ball it up. I'm gonna rip it up. Having a balling night. C'était Les Années de Annie Ernaux. Adaptation Sophie Lem. Troisième émission. Avec Ludmila Mikael, Marina Moncade, Jacques Gamblin. Et les voix de Yolande Folio, Jean-Claude Sachaud, Philippe Bautier, Thomas Sagols. Prise de son et mixage, Philippe Carminati. Assistance technique et montage, Mathieu Leroux. Assistante à la réalisation, Louise Loubrieux. Réalisation, Étienne Vallès. Les Années de Annie Ernaux est publié aux éditions Gallimard. Thank you.